Hello la Team Culture! Bienvenue dans le Kaléidoscope d'Alexa Cito, le podcast qui décrypte notre époque à travers le prisme de l'art et de l'actualité. Aujourd'hui, on plonge dans le phénomène Beast Games, cette télé-réalité qui promet 5 millions de dollars aux gagnants, soit la plus grosse récompense de la télé américaine. Derrière ce show au budget colossal, on retrouve MrBeast, le YouTuber aux 366 millions d'abonnés. Alors, Beast Games, miroir déformant de notre société ou simple divertissement? C'est ce qu'on va voir ensemble. Ce soir, je suis là, scotché à mon canapé, des pop-corns sur les genoux, devant la finale de Beast Games. Oui, alors je sais, je pourrais relire Bourdieu ou méditer sur l'effondrement de la démocratie, mais non. Je suis là à mater une télé-réalité inspirée de la série à succès sud-coréenne Squid Game. Et visiblement, je ne suis pas un cas isolé, puisque l'émission a cartonné sur Amazon Prime dans 87 pays, dont la Belgique. Difficile de résister à l'appel du spectacle, même quand il sent un peu le pop-corn brûlé. Mais au fait, c'est qui ce MrBeast? C'est un jeune Américain qui a bâti un empire médiatique à coups de vidéos virales. Et son parcours est fascinant. Il a commencé par des défis absurdes, comme compter jusqu'à 100 000, regarder de la peinture séchée pendant des heures. Puis, il a trouvé la formule magique. Donner de l'argent. Beaucoup d'argent. Maison offerte aux sans-abri, opération chirurgicale payée à ses abonnés, chasse au trésor à 1 million de dollars. En marketing, on appelle ça faire du charity porn. Soit l'exploitation de la misère à des fins de divertissement. Du pain et des jeux version digitale qui cumulent des milliards de vues. I am standing on $5 million of real money, the largest grand prize in entertainment history. And competing for this $5 million are these 1,000 contestants. Come on in! Mais son dernier projet franchit un nouveau cap. Là où Squid Games dénonçait le capitalisme avec une battle royale sanglant, Beast Games reprend les mêmes codes. Escalier psychédélique, uniforme numéroté, dortoir spartiate, vigile masqué, etc. pour créer une expérience sociale à travers le spectacle de gens ordinaires, prêts à tout pour changer leur vie. I grew up homeless and now I want to help other homeless kids. And that $5 million would mean everything to help me get there. If I win $5 million, I could use that to make passive income for the rest of my life. It would provide me the opportunity to retire my dad. The difference that money can make and how it can support a community. Completely getting my whole family out of the poverty pipeline. There's a lot of clowns that want to donate the money. I'm buying jet skis and gold chains. I will die for this. I will die for $5 million. Et en observant tout ça, je ne peux m'empêcher de penser aux travaux de Guy Standing, ce sociologue britannique qui a théorisé le concept du précariat. Standing utilise ce mot-valise, contraction de précaire et de prolétariat, pour décrire cette nouvelle classe sociale qui vit dans l'insécurité permanente, jonglant entre petits boulots et rêves de jackpot. Regardez les candidats de Beast Games. Une fois les caméras éteintes, ils retournent à leur réalité, avec pour seule consolation d'être devenus des mèmes sur TikTok. Et c'est là que ça devient vraiment intéressant. Car le plus fascinant dans cette histoire, c'est notre propre contradiction face à ce spectacle. Et je plaide coupable, hein, mais Popcorn en témoigne. On critique, on s'indigne, on débat sur X de l'éthique douteuse du concept, puis à 3h du matin, on se retrouve à se dire « Allez, juste un dernier épisode !» C'est tout le paradoxe de notre époque, non? On consomme ce qu'on dénonce, on like ce qui nous révolte. Parce qu'au fond, le capitalisme digère tout, même ses propres critiques, et nous sommes tout aussi doués pour transformer nos indignations en plaisir coupable. Before the games begin, I have an offer for all of you. Most shows have a grand prize of $1 million. But on our show, we're going to give away $1 million before we even play the first game. Alors, Beast Games, miroir déformant de notre société ou simple divertissement? Probablement les deux, je dirais. Et vous, qu'en pensez-vous? Avez-vous succombé au charme de Beast Games? Dites-le-moi via le sondage. C'était le kaléidoscope d'Alexa Cito. Si vous avez aimé mon regard sur notre société, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne, à liker, à me laisser votre avis en commentaire et à partager cet épisode. À dans 2 semaines pour le prochain épisode!